Le comité préparatoire bangladais pour le 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée est constitué le 2 octobre. Le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles à cette occasion.